jamais on pégé pour tête moi. Là où à moi n'est pas mieux qui moi c'était un si bémol. Destiné moi tracé à rien fait que changer ça. Anti musique moi hein. Attends ça m'a yé, on s'a manqué de te. Anti-musique moyen, on pense à moyen, on s'amante et retait.